c'est compliqué là, d'arriver en retard, enfin, presque en retard. Ça va ? On est presque à l'heure. Ouais, ouais. Ça va. Bah toi t'étais complètement à l'heure. Hein. Ouais, moi je suis toujours là. Ouais. T'es toujours là en train de siroter ta... Ta Guinness. Ouais. Parle dans le micro. Ouais. Voilà, on est entre copains ce soir. Ah, ce soir. Seulement deux grands leaders vont se donner la réplique pour ce numéro 306 de Pyongyang City Rockers. J'en bafouille. Et puis bah après je sais pas, peut-être qu'on essaiera, non je pense pas, peut-être qu'on essaiera d'aller à la Brad Cave, mais ça va être compliqué quand même, hein. Surtout qu'en plus il n'y a pas Jody Faster qui joue ce soir, tout de suite, hein. qu'est-ce que je voulais dire déjà, je sais même plus par quoi je devais commencer. Ah bah oui, vers le 21 juin dernier, j'avais passé, mais vraiment de manière extrêmement écorchée, un titre de ce bon vieux groupe de Theater of Hate, wave un peu quoi, entre punk et new wave, début des années 80. Et puis bah il n'était que temps que je répare cette horrible erreur que j'avais faite, et maintenant je vous le passe en entier sans écorcher le moins du monde. Voici Theater of Hate avec Eastworld, s'il veut bien se lancer, je n'en sais rien. Bon ouais, en plus là, le générique, ils veulent pas s'arrêter. Arrête-toi générique, arrête-toi, voilà. Il s'arrête et j'envoie donc Theater of Hate. C'est parti pour une heure de pain et de rigolade dans tous les sens avec Pyongyang City Rockers, Theater of Hate, Eastworld. Smile. Hey. ah non, taisez-vous. Ça va, Jamou? Depuis le temps. Ouais. Bon, tout de suite, pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont donc pas à la Brad Cave, ils peuvent aussi écouter d'autres radios. On est tellement gentils, comme je disais sur le réseau social tout à l'heure, on est tellement gentils à Pyongyang City Rockers qu'on dit même ce qui se passe en même temps dans les autres radios. En ce moment, sur Boomerang, il y a l'émission Refitter, qui est plutôt tendance métal, mais aussi où ils passent du power violence, des trucs comme ça, quoi. Et il y a le groupe Phil Scroll, et j'écoutais en venant, là, c'est puis du passé, du bon rentre dedans. Donc là, c'est par exemple si vous n'aimez pas Theater of Hate, ou alors si vous n'aimez pas la Oi qu'on va passer tout à l'heure, ou le punk, etc., vous pouvez vous réfugier sur Boomerang 89.7, c'est ça. Sinon, vous pouvez rester aussi ici, sur Campus, en 6,6, ou alors vous pouvez aussi, il en est encore temps, à mon avis, vous réfugier à la Brad Cave rue Barthélemy de l'Épaule, à Lille, pour un concert avec Cockbust, Lasso, Camellia Sinensis, Bavure et False. Il y avait Jodie Foster qui était prévu, mais on sait pas pourquoi. Ils se sont tous cassés une jambe, donc j'en sais rien. Mais bref, ils ont annulé. Donc il n'y a que 5 groupes et pas 6. Faire tenir 5 groupes entre 20h et 22h, enfin, non, allez, 23, à la Brad Cave. C'est bien. Bon, voilà. Puisqu'il en est ainsi, je vais pouvoir vous passer un petit titre, même peut-être deux, de Cockbust, qui sont des gens de Washington, D.C. Enfin, pas de là-bas, enfin de là-bas, mais d'ici. Voilà. Cockbust, ça sera. Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai préparé des trucs, je sais même plus où ils sont, s'ils le voient. Alors, il y a Confined, et puis il y a un autre titre, mais c'est juste avant, il y a Redline. J'ai eu un mal de chien à les découper pour que ça soit pas trop pourri. Parce qu'en fait, ils enchaînent tout, quoi. Sur leur album, là. Album sorti en 2013 et qui s'appelait Confiné, quand même. Pour dire, les mecs, ils avaient quand même une préscience là, de l'avenir. C'était très bien. Voici donc, premièrement, Cockbust. Et puis, je pense qu'après ça, ça on va enchaîner tranquillos avec Lasso. Lasso, c'est des Brésiliens. Ils viennent du nord-est, là, du Brésil, là, du côté de Bahia. Mais c'est pas vraiment du Moustaki. Hein. tu vois, Georges Moustaki, il avait fait une chanson, là, Bahia. Mais c'est pas pareil. Donc, vous allez pouvoir les écouter juste après Cockbust qu'ils font maintenant. J'ai oublié Redline et Confined, et ensuite ce sera Lasso qui nous s'exprimeront dans leur langue natale avec Reverterio. Pour l'instant, Cockbust, si ça démarre. Ah ouais, voilà. Ah, c'était voilà. Donc juste à l'instant, l'assaut, les Brésiliens avec Revertario, juste avant Cockbus. Je suis sûr que vous n'avez pas entendu l'enchaînement entre leurs deux titres qui étaient Redline suivi de Confined. Ils vont jouer tout à l'heure. Il me semble que Cockbus, c'est à 21h30 à la Brad Cave, et puis l'assaut juste après, quoi. Et puis avant, t'as donc Camellia Sinensis, False et Bavure. Voilà. Et en plus, c'est pas cher, et puis c'est organisé par des gens bien, puis c'est à la Brad Cave, c'est cool, bon bah voilà, vous y allez quoi, merde. Ouais. Ou alors vous restez à écouter Campus, ou alors non, vous écoutez pas les autres radios. Restez avec nous. T'es là, t'es revenu. T'as ramené des choses. Ouais, j'ai ramené Coupe-Gorge, donc c'est sorti mercredi dernier. Putain, ouais, d'accord, t'es au pic de l'actualité là. Ouais, là, ouais. Tu l'as déjà en vinyle? Non, je l'ai pas en vinyle. Je sais pas. Non, mais moi je vais vous passer donc Obus dans les rues. Ouais. Et voilà, c'était sorti mercredi, ça vient de Brest. Et le titre du EP, c'est Silence de mort. Silence de mort, ouais. Bon. Bah, ça va faire du bruit. Bon, bah ouais, comme d'hab, hein, comme ouais. Tout à l'heure, là, comme juste avant. Ouais. On avance, et puis on gagne Gangsta Rockers sur Campus, 106,6, pour encore 45 minutes. De Fade Down, interdit par les conventions de Genève, au même titre que les obus dans les rues. D'ailleurs, aujourd'hui, ils font de la publicité pour la torture. Aujourd'hui, ils vous font peur avec la prison en timbrant des cartes postales vides. Ils mentent sur l'été en hiver. C'est aujourd'hui. Un pays qui se tire une balle dans le pied, un pays qui tue ses soldats, ses enseignants, ses médecins, ses ingénieurs, tous des extrémistes. Il est temps de le reconnaître. Aujourd'hui en russe, ça se dit Segodnia. C'est le titre. C'est un titre que je tire du volume 7 de la compilation Punks Against Wars, publié par le label russe dissident Tchernaïa Ploshad, carré noir. Ça se trouve à prix libre sur blackploshad.bandcamp.com et tous les bénéfices sont reversés à des organisations qui aident les réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre mais qui partent du côté, là où ils peuvent. Ouais. Qui se retrouve en Russie, il y en a. Le nom du groupe, j'ai oublié de le dire, c'est Rodvrot. Ils sont de Moscou, il me semble. Et les voici donc avec Segodnia. Закрытыми глазами Bah, puisqu'on était parti sur le mélodieux avec Rodvrot, là, les Russes, bah, on a continué avec des valeurs régionaux qui existent depuis déjà un paquet d'années. C'est Nothing for Free, ils nous faisaient By the Window, mais c'est pas pour ça qu'il faut les jeter par la fenêtre. Hein. Ne pas jeter par la fenêtre non plus, c'est toujours excellent de choper un groupe comme Alarm, les Grenobloises et Grenoblois en concert. Louis Pleur, donc il y a déjà super longtemps, il y a 10 jours. samedi, pas passé, mais celui d'avant. Ça a pas manqué. Elle et il, avec pour l'occasion notre Pierrot Lillois à la basse, ils ont mis tout le monde d'accord avec leur musique qui n'est pas jolie, mais qui transpire la vie, l'envie d'en découdre, parfois une tristesse. Bref, un genre de beauté, quoi. Voilà, Alarm, c'est pas joli, c'est beau. Alarm, not pretty. Mais encore une fois, ça ne démarre pas. Alarm, not pretty. Oh. Down sur Radio Campus, c'était Alarm avec Not Pretty. Yeah. C'est beau, hein? Ouais. C'est bien. Moi, je vais vous passer un live de Zone Infinie. Je t'en prie. Alors, toujours bienvenue. C'était en 2020. C'est un concert en soutien au comité Justice et Vérité pour Mehdi. D'accord. On a déjà passé, je crois, un titre, mais il y a longtemps. Ouais. Et donc, moi, je voulais vous passer Des Sales Nuits, donc de Zone Infinie, groupe de Lyon. Ouais, je vois que tu meubles parce que tu vois que je suis en train de merder sur les boutons. C'est vraiment sympathique. Ouais, donc on va écouter ouais. ça sur Radio Campus. Ouais, et puis du coup, moi je l'envoie. Enfin, bah, ouais. peut-être. Avec le bruit de la cassette. De l'oblique. Enfin, ceux qui avaient assez de cerveau pour s'en rappeler. Alors voilà, cette chanson elle parle de l'oblique, de toi, de moi, de nous quoi. Et des bandes de squatteurs qui nous manquent aujourd'hui, beaucoup. C'est cool. Il est bon, je te vois. Super vous aussi, quand même. Hein. Quand même, ouais. Zonaf, rien de tel. Encore des annonces de concerts, finalement. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que les annonces de concerts ouais. Savez-vous que Béton Armé, les Montréalais et Cran, les Parisiens et Parisiennes, passent à deux reprises dans la région ce week-end. Premièrement, c'est même pas ce week-end, c'est jeudi, c'est-à-dire demain. Ces deux groupes seront à l'Horloge à Boulogne-sur-Mer, face de la gare. Un concert organisé par Louis. Enfin, oui, par Crazy Kids et Louis Pleur, ouais, c'est ça. Youpi, ce sera encore la super ambiance comme ils savent faire à Boulogne. Mais j'ai jamais été, mais on m'a raconté. Je peux le répéter bêtement. Et puis sinon, toujours les mêmes seront à Montigny-sur-Roc. Attends, où est-ce que je l'ai foutu, ce style ? Là, le voilà. Donc, Béton Armé Cran seront à Montigny-sur-Roc, à L'Oiseau Bleu. Excellente salle de concert. Défilé, ouais. Montigny-sur-Roc, c'est juste à côté d'Ours. Donc ouais, je dis que c'est la région, c'est par extension. Si tu veux, bon, la frontière, on ne la voit pas vraiment. Il faut regarder les panneaux pour voir que c'est un peu différent. c'est tout. Sinon, les gens, ils sont comme nous. Quoi. Bon, il y en a qui ne sont pas d'accord. Mais voilà. Et donc, à Montigny-sur-Roc, donc à côté d'Our, donc pas loin de Mons, entre Mons et Valenciennes, on va dire, ça sera samedi prochain à partir de, je ne sais plus, 19h30. Et pour 8€ l'entrée. Bah voilà, l'oiseau bleu se trouve en Trieux-Quesnoy, c'est le nom de, c'est l'adresse. Ouais. Voilà. Ah si, c'est le numéro 13, Trieux-Quesnoy. Voilà. Donc vous avez le choix hein, pour voir Béton Armécran. Vous faites ce que vous voulez, vous allez au 2 si vous voulez. Pour l'instant, voici donc la petite sélection. Le petit bloc pour faire danser dans les chaumières en attendant ces deux dates à ne pas manquer, au moins une d'entre elles. J'aurais mis mon VLC en marche. Et voici donc premièrement Cran, les Parisiens, Parisiennes avec Nate, suivi de L'Union fait la force, et chanté par les Québécois montréalais de Béton Armé. We'll be right back. ça y est, encore farcé par un titre qui dure pas assez longtemps. Ça ne va pas du tout, vous êtes bien sur Radio Campus. C'est Pyongyang City Rockers, numéro 306, jusqu'à 21h, à laquelle vous retrouverez le beau JD pour son Teeth Grinder. Yeah, bon bah, puisque c'est comme ça, je vais vous passer encore des régionaux locaux du coin. Puisqu'ils sont de Kurne, à côté de Courtrai. C'est Inmate, j'ai déjà passé, même peut-être que j'ai déjà passé ce titre-là, c'est You Are Here, et c'est vraiment extrêmement bruyant. Attends, c'est pas de la oïe, non, c'est du noise, tu vas voir. ben voilà, Choking on Files at the Scumfuck Buffet. C'est interprété par les Américains de Vomitatrix qui passeront lundi prochain au CCL 4 rue de Colmar en compagnie de Jubices. C'est de l'Indie Shoegaze. Et un autre groupe qui fait du Noise Indus et qui répond au doux nom de 15% chauve. Donc en fait je sais pas, ils sont 7 et il y en a un dedans, c'est un skin, un truc comme ça quoi. Ah ouais, ouais. Voilà. Mais c'est du noise industriel, donc forcément ça passe dans une salle telle que le Centre Culturel Libertaire. Ça sera à 20h30, le prix comme d'hab au CCL sera libre. Vous êtes bien sur Campus, il nous reste 14 minutes à passer en compagnie de cette musique de déglinguer et de dégénérer. On va ralentir un petit peu avec les Néerlandais de Désintéresseux. Qu'est-ce qu'ils racontent, Désintéresseux? Je crois que j'avais noté un petit truc, mais je sais plus où je l'ai mis. Ah oui, bah voilà. L'automne arrive, le vent, la pluie, le brouillard, peut-être cette année avec 10 degrés au-dessus des températures, ce qui n'empêchera personne de se manger sa petite dépression bien carabinée, se morfondre dans son lit, impossible de se lever, avec au fond du cœur cette peur tenace de tout le monde, de rien. La dépression, ça au moins, ils nous l'enlèveront pas, nom de nom. C'est un truc sur la dépression, ça s'appelle Angst Vornitz par les Néerlandais de Désintéresseux. tout l'album est comme ça. C'est, voilà. Moi j'aime bien, mais bon, faut être, faut s'accrocher quoi des fois. Pour changer de registre, le mardi prochain au Pizza Courtrai, il y aura Spread Joy qui vont jouer en compagnie de Kotzkat, dont les gens du Pizza disent que c'est le seul super groupe que le Pizza mérite. Et dont le pizza a besoin. Voilà. Youpi. Kotzkat, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je sais pas, chat vomi ou alors chat qui gerbe, je sais rien. Truc dans ce genre-là. Voici leur manifeste que j'ai trouvé sur leur Bandcamp. Kotzkat est doux. Kotzkat est un matriarcat. Kotzkat est contre la pilule. Kotzkat est pour la castration. Kotzkat mange du poisson, mais pas de la viande. Sauf kebab. Kotzkat veut des avortements gratuits pour tous. Kotzkat est un chat trans. Kotzkat est cool. Kotzkat vomit des étrons dans les escaliers. Kotzkat ne joue pas de solo de guitare, mais seulement des solos de batterie. Kotzkat n'essaie jamais. Ouais. Comme Chuck Norris, quoi, tu vois. Ouais. Chuck Norris, il essaie pas. Ouais, ouais, voilà, bah, Kotzkat, ouais. C'est pareil. Donc vous pourrez les voir mardi. Faites en dessous ce que vous voulez. Pour l'instant, ils vous donnent leurs impressions sur les gens qui sont amis avec des policiers. Dans Friends with a Cop, Kotzkat. Who wants to be friends with a cop, man? With a cop. Ben voilà. Très bon. En attendant la sortie cet automne du volume 4 de Girls Disorder, les compilations 100% féminines de chez Mass Production, entre autres, voici un des bijoux du volume 3 sorti en 2022, les Suédoises de Trotz qui vous racontent tout ce qu'elles font et comment c'est systématiquement minoré, voire ignoré par l'agent masculine. Altjager par Trotz. Come on! c'est... tu tousses ? Pourquoi tu tousses, ton pauvre ? Mais parce qu'il est mort à l'âge de 21 ans, le pauvre Hugh Mandel, révolverisé, alors qu'il était en pleine gloire dans une rue de Kingston, Jamaïque. Mais avant, il avait eu le temps de faire... Il me semble que des concerts officiels, il en a fait 12. Plus après des officieux, des trucs, enfin dans des claques sordides dans des quartiers à la con, quoi. Mais bref, les vrais concerts répertoriés, 12 concerts. Et c'était une star. Voilà. Et en plus, j'ai choisi exprès un truc qui n'est pas du tout religieux. Just says the time has come. Dieu dit que le temps est venu. Ouais. Il dit que le temps est venu de se séparer. C'est vrai. Bah voilà. La semaine prochaine, c'est le numéro 307 de Pyongyang City Rockers. Il y aura peut-être le retour de certaines vedettes dans ce studio maléfique. N'oubliez pas d'écouter les émissions de Campus demain soir, de Recorder un cerveau. Lundi soir, rien n'a encore changé. Mardi midi, I smell rat. Voilà, tout ça quoi. Enfin bref, puis tous les autres copains qui sont sur les autres radios. Il y en a un poète. Hein. Faudra que je fasse une liste un jour. Comme ça, je me planterai pas en le disant. C'est toujours Hugh Mandel qui vous parle, qui vous dit que le temps est venu. Et d'ailleurs, c'est moi aussi, je ne tousse pas, je ris. Moi, je toussais. Et on n'oublie pas un câble. Un câble.